dessus, bordel. Maintenant, je n'entends plus la batterie. J'ai touché un truc là. C'est la basse. Pourquoi j'ai pas. Attends. Qu'est-ce qu'il fait là? Attends, j'ai un problème. Cette drummer qui marche plus maintenant. Oh, attends, je recommence. Ah, c'est pas vrai, faut tout relancer. Ça marchait impeccable tout à l'heure. Mais... c'est quoi ça? Et là, ça marche là? Tu m'entends toujours? Est-ce qu'il y a la batterie là? C'est bon, là ça marche. C'est bon. J'ai retrouvé les pistes qu'il fallait. Il suffit d'aller chercher la piste de batterie. Voilà. Après, tu la mets ici. Tu fais OK. Je retrouve la piste de batterie. C'était la 10. Je la monte sur la piste de Z-Drummer. Après, je remets en 140, c'est ça? 140. Là, par exemple, je vais mettre toute la piste de batterie pour voir. Faire tourner. Voilà. Je vais mettre la piste de batterie entière. Ok, elle a un peu de space, mais bon. Attends. Je suis en sort. Tac. Voilà. C'est bon? Attends. Allez, excuse-moi, je vais faire un test, je vais faire tourner. La piste de basse. Ah, tu vas voir, attends. Je vais la recaler. Ça, c'est nul. Ça, on s'en fout. Donc après, patience. J'ai toute la piste de batterie. Je sais pas. Mais tu peux pas jouer tout. Mais c'est pas grave. Tu veux, après, tu peux choisir le parti que tu veux. Ça, j'enlève. Ça, j'enlève. Voilà. Là, ça, j'en ai pas besoin. Et merde, j'ai plus la basse. Oh, c'est pas vrai. J'ai viré la basse. Oh non! Bon, c'est pas grave. Alors, la partie batterie, elle est là. Faut la caler. Je vais la recaler. Je la recale. Voilà. Là, c'est calé. Où est-ce qu'il y a la basse? Putain, en plus, je suis sûr qu'il y avait une. Alors là, c'est quoi ça? Ça, on s'en fout. Ah, peut-être pas. Alors, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Ah, j'ai tout là. Et sauf que Je vais la mettre à zéro. Après, on trouvera une boucle. 1, 2, 3, 4. Merde. Je vais le caler. 2, 3, 4. Exactement ce qu'on voulait. Alors attends, ça part d'ici là. Et après je peux boucler le nombre de pistes que tu veux. Bon, par exemple en partant de, je vais boucler ça là. Attends. Tac. C'est dommage que mon ordinateur est petit parce que voilà. Donc là on va boucler ça. Alors ça fait combien de mesures ça ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.